الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers et sœurs, nous continuons encore la lecture de cette épître profitable qui est l'œuvre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, dans laquelle il a réfuté, répondu et dissipé nombre d'ambiguïtés autour du tawhid avancées par les adeptes du polythéisme pour justifier les actes ignobles s'opposant à notre religion et dans lesquels ils sont tombés. Nous avons vu hier la réponse à trois ambiguïtés qui sont leurs ambiguïtés les plus grandes et les plus courantes. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala est passé à une quatrième ambiguïté qu'il mentionne pour justifier leurs actions et s'innocenter, et qui est de dire qu'ils n'adorent pas les vertueux, bien qu'ils leur vouent différentes formes d'adoration. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « فَإِنْ قَالْ » et s'il dit, c'est-à-dire le polythéiste, « أَنَا لَا أَعْبُدْ إِلَّا اللَّهِ » je n'adore qu'Allah. « وَهَذَا الْإِلْتِجَاء » إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. Et le fait que je me dirige vers les vertueux et que je les invoque, ceci n'est pas une adoration. Donc il renie vouer l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on va le voir, ceci provient de leur ignorance de la réalité de ce qu'est l'adoration. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a présenté deux réponses à cette ambiguïté. La première, il dit « فَقُلْ لَهُ » Dis-lui alors, à titre de réponse, « أَنْتَ تُقِرْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْكَ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ » Tu reconnais qu'Allah a prescrit pour toi, t'a commandé, t'a enjoint de lui vouer l'adoration sincèrement, c'est-à-dire exclusivement. Et nul ne peut renier cela. Et quiconque renie cela alors, il n'y a plus aucune utilité à discuter avec lui à ce sujet. Toute personne s'affiliant à l'islam sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'adorer seul sans associé. Mais si ceux-là sont tombés dans le polythéisme et ont donné des associés à Allah, c'est en raison de leur ignorance du sens de l'adoration et de la réalité de l'adoration. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit فَإِذَا قَالَ نَعَمْ s'il dit oui effectivement, qu'il reconnaît qu'Allah lui a ordonné le culte sincère dans l'adoration. فَقُلْ لَهُ dis-lui alors, بَيِّنْ لِي هَذَا الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَهُوَ إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكِ demande-lui alors, explique-moi quelle est cette chose qu'Allah t'a commandée, quelle est cette chose qu'Allah a prescrite pour toi, c'est-à-dire l'ikhlas, le fait de vouer sincèrement l'adoration à Allah, qui est le droit d'Allah sur toi. Demande-lui qu'il t'explique qu'est-ce que l'adoration. Il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné l'ikhlas. Il reconnaît l'obligation de l'ikhlas, que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est une prescription religieuse et que c'est une obligation, ce n'est pas une chose simplement recommandée. Donc demande-lui de t'expliquer qu'est-ce que l'adoration alors. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ وَلَا أَنْوَعَهَا mais en réalité, il ne sait pas ce qu'est l'adoration et il n'en connaît pas ses formes. Et ce car il fait partie des plus ignorants et des plus égarés des gens et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et on voit une fois de plus la gravité et le danger de l'ignorance. Et on comprend qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint et ordonné, afin de pouvoir l'accomplir comme il se doit, de manière juste et authentique, et de nous écarter de tout ce qui s'y oppose ou pourrait l'annuler. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de l'adorer seul sans associé. Qu'est-ce que l'adoration? Tu dois apprendre qu'est-ce que l'adoration? Quelles sont les formes d'adoration? Comment adorer Allah? Que signifie adorer Allah seul sans associé? Ceci est une obligation pour chacun d'entre nous. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit فبينها له. Explique-lui ce qu'est l'adoration. Explique-lui quelle est sa définition. Explique-lui quelles sont ses formes. Et explique-lui que il fait partie de l'adoration d'invoquer autre qu'Allah. Car l'invocation est une forme d'adoration. Parmi les définitions mentionnées par les savants concernant l'adoration, il y a que ce qui a été ordonné religieusement est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer. Donc l'invocation est une adoration. Et si c'est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et parmi les meilleures définitions qui ont été données, celle qu'a mentionnée Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre Al-Ubudiyyah, lorsqu'il a dit que l'adoration, c'est un nom global désignant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. C'est un nom désignant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Donc à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée un acte ou une parole, qu'il soit apparent ou caché, alors celui-ci est une adoration. Et si c'est une adoration, alors il ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et entre dans cela l'invocation. C'est pour cela que le Shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « Explique-lui ce que c'est » بِقَوْلِكَ en lui disant قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Allah a dit اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Invoquez Allah en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'invoquer. Et s'il ordonne de l'invoquer, c'est qu'il aime et qu'il agrée que ses serviteurs l'invoquent. Et par conséquent, ceci nous démontre que l'invocation est une adoration, et que celle-ci ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَذَا Une fois que tu lui as fait savoir cela, que tu lui as fait comprendre que ce verset démontre que l'invocation est une adoration, فَقُلْ لَهُ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا عِبَادَةٌ لِلَّهِ Sais-tu que ceci est une adoration qui est à Allah, c'est-à-dire qui revient à Allah, qui ne doit être vouée qu'à Allah, et il ne lui est pas possible de renier cela. À partir du moment où il aura compris la définition de l'adoration, فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ Il sera obligé de dire « Na'am, effectivement, ceci est une adoration et elle doit être vouée à Allah. » Le Cheikh nous dit « وَالدُّعَى مُخُ الْعِبَادَ » Et l'invocation est l'essence même de l'adoration. Et elle dit cela faisant référence à un hadith en ce sens. Et les gens de science ont mentionné que la chaîne de transmission de ce hadith n'est pas authentique. Mais on a un hadith encore plus clair, nous démontrant cela, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ad-du'a huwa al-ibad » L'invocation, c'est l'adoration. Et ceci est un hadith authentique. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit فَقُلْ لَهُ إِذَا أَقْرَرْتَ أَنَّهَا عِبَادَ Si tu reconnais que l'invocation est une adoration وَدَعَوْتَ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا خَوْفًا وَطَمَعًا Bien que tu invoques Allah nuit et jour par peur et espoir ثُمَّ دَعَوْتَ فِي تِلْكَ الْحَاجَ نَبِيًا أُغَيْرَهُ Puis que par la suite tu invoques pour un besoin un prophète ou autre que هل أشركت في عبادة الله غيره؟ Est-ce que tu as associé dans l'adoration d'Allah autre que lui? Si tu reconnais que l'invocation est une adoration, bien que tu invoques Allah jour et nuit, à partir du moment où, même si cela n'arrive qu'une fois, tu invoques autre qu'Allah, tu invoques un prophète, tu invoques un saint, un wali, une tombe, un mausolée ou autre. Si tu sais que l'invocation est une forme d'adoration, peut-on dire que tu as donné un associé à Allah dans cette adoration? Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ Il est obligatoire, il est inévitable qu'il dise oui effectivement. S'il prend conscience de la réalité des preuves que tu viens de lui exposer et qu'il les prend en considération, à partir du moment où il reconnaît que l'invocation est une adoration, il est obligé de reconnaître que s'il invoque autre qu'Allah, alors il a donné un associé à Allah dans l'adoration. Et de cette manière, son ambiguïté est dissipée. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, insiste et il dit, فَقُلْ لَهُ فإذا عملت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ Il nous dit, dis-lui ensuite à ce polythéiste, si tu mets en pratique la parole d'Allah, فصلي لربك وانحر, prie pour ton Seigneur et sacrifie. C'est un ordre d'Allah de prier pour lui et de sacrifier pour lui. Donc, la prière et le sacrifice sont des adorations. Il dit, si tu lui obéis, si tu obéis à Allah en cela, et que tu lui voues le sacrifice, est-ce que cela est une adoration ? فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ. Il sera obligé de répondre, oui, effectivement, c'est une adoration. فَقُلْ لَهُ. Dis-lui alors. فَإِنَّ حَرْتَ لِمَخْلُوقٍ نَبِيٍ أَوْ جِنِّيٍ أَوْ غَيْرِهِمَا هَلْ أَشْرَكْتَ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ غَيْرَ اللَّهِ. Si tu fais un sacrifice pour une créature, que ce soit pour un prophète, ou pour un djinn, ou pour autre que, as-tu associé à Allah autre que lui dans cette adoration, dans l'adoration du sacrifice ? فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرْ وَيَقُولَ نَعَمْ. Il sera obligé de reconnaître cela et de dire oui, effectivement, qu'il a associé à Allah autre que lui dans cette adoration. À partir du moment où il reconnaît que le sacrifice est une adoration, il sera obligé de reconnaître que vouer cette adoration autre qu'Allah est du shirk, et qu'il a voué une adoration à autre qu'Allah. Donc on lui expose la preuve en lui faisant comprendre qu'est-ce que l'adoration. Et on voit à travers cela l'ignorance de ceux qui tombent dans ces formes de polythéisme, et que c'est une ignorance parmi les plus profondes, une ignorance des bases de notre religion. Donc vous voyez une fois de plus, comme je ne cesse de le répéter dans ces cours, l'importance de sans cesse apprendre le tawhid, de l'étudier, de l'enseigner, de le diffuser parmi les gens, et de ne pas mépriser cette science. Ne pense pas que tu l'as maîtrisée parce que tu as terminé tel ou tel livre. Ne pense pas que sous prétexte que tu es né dans une famille musulmane, alors tu n'as pas besoin d'étudier le tawhid. Ne pense pas que l'étude du tawhid ne concerne que les nouveaux musulmans. Non, tout musulman a besoin de sans cesse étudier, se remémorer, apprendre, approfondir ses connaissances au sujet du tawhid, car c'est la base de notre religion. Et l'ignorance au sujet du tawhid, au sujet des bases fondamentales de notre religion, est la cause de l'égarement de nombre de personnes qui s'affilient à l'islam. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit, فَقُلْ لَهُ أَيْضًا. Dis-lui aussi, c'est-à-dire, après cette première réponse, qui est une réponse suffisante en réalité, donne-lui aussi une autre réponse qui vient appuyer la réfutation de cette ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté déjà? C'est la parole du polythéiste, je n'adore qu'Allah, et le fait que je me dirige vers les vertueux et que je les invoque, ce n'est pas une adoration. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous a répondu à cette ambiguïté en nous clarifiant le sens de l'adoration, puis il nous dit, dis-lui aussi, al-mushrikun, الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك. Les polythéistes, ceux sur qui le Coran est descendu, est-ce qu'ils adoraient les anges, les vertueux, اللات et autres que cela? فلا بد أن يقول نعم. Il sera obligé de répondre oui, effectivement. Il ne peut pas renier cela car cela est mentionné clairement dans le Coran. Comme on l'a vu dans le cours d'hier, on a mentionné différents versets à ce sujet, démontrant qu'ils adoraient les anges, qu'ils adoraient les vertueux, qu'ils adoraient les prophètes, et ainsi de suite, et qu'ils les invoquaient en dehors d'Allah. فَقُلْ لَهُ. Dis-lui alors. وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِي الدُّعَى وَالذَّبْحِ وَالِلْتِجَى وَنَحْوِ ذَلِكِ. Et les adorations qu'ils leur vouaient, n'étaient-elles pas seulement l'invocation, le sacrifice, le fait de revenir à eux, de se diriger vers eux et autre chose semblable? C'est ainsi qu'il les adorait. وَإِلَّا فَهُمْ مُقِرُّونَ أَنَّهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ قَهْرِهِ. Pourtant, ils reconnaissaient qu'ils sont des serviteurs d'Allah et qu'ils sont sous son autorité. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Et que c'est Allah qui administre toute chose. وَلَكِنْ دَعَوْهُمْ وَالْتَجَأُ إِلَيْهِمْ لِلْجَاهِ وَالشَّفَاعَ. Ils ne les ont invoqués et ne se sont dirigés vers eux qu'en raison de leur rang et par recherche de l'intercession, et ceci est très clair et évident. Comme on l'a vu dans le verset, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc avec cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala a clairement dissipé et réfuté cette quatrième ambiguïté. Il passe ensuite à une cinquième ambiguïté, qui est le fait de laisser penser que celui qui réprimande le shirk, que celui qui réprimande le polythéisme, qui réprimande l'invocation d'autre qu'Allah, alors c'est comme s'il reniait la réalité de l'intercession et plus particulièrement l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « فَإِنْ قَالْ أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَتَبَرَّأُ مِنْهَا » S'il te dit, c'est-à-dire le polythéiste, s'il te dit à toi, en tant qu'adepte du tawhid, renies-tu l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et désavoues-tu cela? Et telle est l'habitude des gens du faux, comme on l'a mentionné. Lorsqu'on les blâme et qu'on les réprimande en raison du faux sur lequel ils sont et en raison de leurs égarements et de leur suivi des passions, ils inversent les choses et essayent de ternir et de salir l'image des gens de la vérité en disant qu'ils renient une part de la religion. Donc ici, ils vont eux demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme en disant « Ash-shafa'a ya Rasulallah » ou ils vont demander l'intercession aux vertueux et ainsi de suite. Et lorsqu'on va les blâmer pour ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire cela, les adeptes du tawhid, les gens de la sunna, ils ne croient pas en l'intercession. Ils renient l'intercession. Et ceci est totalement faux. Au contraire, les gens de la sunna sont les premiers à reconnaître l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils la reconnaissent et y croient telle qu'elle est venue dans les textes, comme on va le voir à travers les paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Donc il nous dit à titre de réponse à cette ambiguïté, « Faqul, dis-lui alors, « La unkiruha, wa la atabarra'u minha, bel huwa sallallahu alayhi wa sallam, ash-shafi'u al-mushaffa' wa arju shafa'atahu. » Dis-lui, je ne la renie pas, je ne désavoue pas cela. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'intercesseur à qui l'intercession sera accordée et de qui elle sera acceptée. Et j'espère profiter de son intercession. Walakin, ash-shafa'atu kulluha lillah. Toutefois, l'intercession appartient entièrement à Allah. Kama qala ta'ala, comme Allah a dit, qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Dis, c'est à Allah que l'intercession tout entière appartient. C'est à Allah que l'intercession tout entière appartient. C'est lui qui la détient, subhanahu wa ta'ala. Wa la takun illa min ba'di idhnillah. Et elle n'a lieu, cette intercession, qu'après la permission d'Allah. Il n'est pas possible d'intercéder sans la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, elle est venue dans un verset que vous connaissez tous, et que l'on récite plusieurs fois par jour pour ceux qui sont habitués et assidus au adhkar, après les prières, le matin et le soir, et ainsi de suite. La preuve à ce sujet, elle est venue dans Ayat al-Kursi. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, kama qala ta'ala, comme Allah a dit, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui, si ce n'est avec sa permission? Il n'est possible pour personne d'intercéder auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est avec sa permission. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre dans cette généralité. Lui-même, comme cela est venu dans le hadith authentique, n'intercédera pas avant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne lui en donne la permission. Comme cela est venu dans le long hadith au sujet de l'intercession, lorsque les gens au jour de la résurrection se rendront vers les différents prophètes, et chacun s'excusera de ne pouvoir intercéder, puis ils se rendront finalement vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci s'avancera et se prosternera pour Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'on lui dise de relever sa tête et d'intercéder et que son intercession sera acceptée. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a besoin de l'autorisation et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder. Donc l'intercession, elle ne peut pas lui être demandée. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « وَلَا يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ » Et il n'intercédera pour personne si ce n'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait permis l'intercession pour cette personne. كما قال تعالى كما الله دي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى Et ils n'intercéderont que pour quelqu'un ou pour ceux qu'il agrée, que Allah agrée. C'est-à-dire que ceux à qui l'intercession sera accordée, à commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pourront intercéder que pour une personne dont Allah subhanahu wa ta'ala agrée les paroles et les actes. C'est-à-dire pour un monothéiste. C'est pour cela que le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « Wa huwa subhana la yarda illa tawhid » Et Allah n'agrée que le tawhid, il n'agrée que le culte exclusif. Il n'agrée pas le shirk. Kama qala ta'ala, comme il a dit « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَ » Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, celle-ci ne sera pas acceptée d'Allah. En quoi ce verset nous démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que le tawhid ? Quiconque recherche une religion autre que l'islam, ceci ne sera pas accepté de lui. La preuve dans ce verset se comprend en comprenant et en connaissant le sens de l'islam. L'islam qui a été défini comme étant « Al-istislamu lillahi bit-tawhid » والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. La soumission à Allah par le tawhid, par le culte exclusif qu'on lui voue. La sujétion à lui par son obéissance, en lui obéissant, subhanahu wa ta'ala. Et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. C'est cela la définition de l'islam dans son sens général qui est la religion de tous les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam. Donc, il n'y a pas d'islam sans tawhid. Il n'est pas possible d'être sur l'islam sans vouer le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous démontre que quiconque cherche une religion autre que l'islam, quiconque cherche une religion en vouant le culte à autre qu'Allah, alors ceci ne sera pas accepté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de ce serviteur que ce qui lui est voué exclusivement. Et le tawhid, c'est la base et le fondement de l'islam. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'islam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs monothéistes. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ Donc si l'intercession tout entière est à Allah, comme on l'a vu dans le premier verset, وَلَا تَكُنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ Et qu'elle n'a lieu qu'après sa permission, comme on l'a vu dans la partie du verset 2, Ayat al-Kursi. وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَغَيْرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ Et le prophète صلى الله عليه وسلم et autres que lui ne peuvent intercéder pour personne, si ce n'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission d'intercéder pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne soit agréée d'Allah. وَلَا يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ Et Allah ne donne la permission que pour les gens du tawhid. Que les gens qui lui vouent un culte exclusif, comme le démontre le quatrième verset qu'il a cité. Tabayyana laka anna shafa'ata kullaha lillah. Il t'est maintenant apparu clairement que l'intercession tout entière appartient à Allah. Et donc, si elle appartient à Allah, elle ne peut être demandée à autre que lui. Mais si on souhaite l'intercession, on ne peut la demander qu'à Allah. C'est pour cela que le shaykh nous dit wa atlubuha minhu. Et je lui demande à lui, je la demande à Allah. Car c'est lui qui la détient. Et je ne vais pas la demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas la demander en invoquant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas en droit d'être invoqué. Il dit, fa'aqul, je dis donc, Allahumma la tuhrimni shafa'ata. Allahumma shafi'hu fiyya. Wa amthalu dhalik. Je dis donc, ô Allah, ne me prive pas de son intercession, de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, fais-le intercéder en ma faveur. Et autre parole semblable. Celui qui va invoquer et demander l'intercession, il la demande à Allah. Et s'il fait cela, alors il profitera de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection. Même s'il ne prononce pas ces paroles. Car ce qui est visé, ce n'est pas de la demander textuellement. Mais ce qui est visé, c'est d'œuvrer en vouant le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. En adorant nul autre que lui. Et tous les adeptes du tawhid, ceux qui vouent un culte sincère et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils ne demandent pas l'intercession en ces termes, ils en profiteront bi'inillahi ta'ala car ils l'ont demandé de par leurs œuvres, qui sont voués sincèrement et exclusivement à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Telle est donc la réponse à cette cinquième ambiguïté, qui est que les gens de la sunna, les gens du tawhid, ils ne renient pas l'intercession, mais l'intercession appartient seulement à Allah, elle a des conditions, elle ne peut avoir lieu sans sa permission, et elle ne peut avoir lieu que en faveur de quelqu'un qui l'agrée. Donc, si je souhaite profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dois vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ne la demander qu'à Allah, et ne pas la demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en droit d'être invoqué. Ensuite, il a mentionné une sixième ambiguïté, rahimahullah. Et cette ambiguïté, c'est qu'il prétend qu'à partir du moment où il a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le droit d'intercéder, alors on ne fait que lui demander une chose qu'Allah lui a accordée. Et il n'y a pas de gêne à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession, car celle-ci lui a été accordée. Telle est leur ambiguïté. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, a donné deux réponses à cette ambiguïté. Il dit, فَإِنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُعْطِيَ الشَّفَاعَ وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ. Et s'il dit, si le polythéiste dit, on a certes accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession, et moi je ne fais que lui demander une chose qu'Allah lui a accordée. C'est comme s'il comparait l'intercession à un bien de ce bas monde. Dans ce bas monde, si quelqu'un se voit accorder de l'argent, il est possible de lui demander une part de cet argent qu'Allah lui a accordé. Donc ils ont comparé cela à l'intercession. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, il va répondre à cette ambiguïté. Il dit fal-jawab, la réponse, c'est-à-dire la première réponse, car il va en mentionner deux. أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُ الشَّفَاعَ. Allah lui a, bel et bien, accordé l'intercession. Mais celui qui lui a accordé l'intercession, qui n'est autre qu'Allah, نَهَاكَ عَنْ هَذَا. Il t'a interdit cela. Il t'a interdit de la demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ تَعَالَى. Il a dit, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَى. N'invoquez personne avec Allah. N'invoquez personne avec Allah. Ceci est une interdiction générale d'invoquer qui que ce soit en dehors d'Allah. Donc certes, Allah a accordé l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui qui lui a accordé cette intercession, il t'a aussi interdit d'invoquer autre que lui. Il t'a dit, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne avec Allah, qui que ce soit. Que ce soit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou l'ange Jibril alayhi salam, ou tout autre parmi les prophètes et les anges, ou parmi les vertus ou autres. N'invoquez personne, si ce n'est Allah. Donc certes, l'intercession lui a été accordée, mais ceci ne signifie pas qu'il est permis de lui demander. Il dit, فَإِذَا كُنْتَ تَدْعُوا اللَّهِ أَنْ يُشَفِّعَ نَبِيَّهُ فِيكِ فَأَطِعْهُ فِي قَوْلِهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Si tu invoques Allah, et ici certains, dans leurs commentaires, ont dit, il apparaît qu'il voulait dire, si tu espères d'Allah, si tu espères d'Allah qu'il permette à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en ta faveur, alors obéis-lui dans sa parole, n'invoquez personne avec Allah. Tu as espoir d'être digne de recevoir et de profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour en profiter, tu dois vouer un culte exclusif à Allah. Tu dois être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans tes œuvres et n'adorer nul autre que lui. Et si tu agis ainsi, tu profiteras et tu obtiendras l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette intercession qui lui a été accordée et qui est vérité, elle est conditionnée. Il est venu dans les textes, comme on l'a vu, que celle-ci ne peut avoir lieu qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle ne peut avoir lieu qu'en faveur de quelqu'un qu'Allah agrée. Donc, si tu souhaites obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais partie de ceux qu'Allah aime et agrée. Et ce, en suivant ses messagers alayhi salatu wa sallam, en lui vouant exclusivement le culte. Et ainsi, tu feras partie de ceux qui bénéficieront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le polythéiste, lorsqu'il dit « Ash-shafa'a ya Rasulallah », l'intercession au messager d'Allah, lorsqu'il la demande directement au messager, il se prive ainsi de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il a commis du shirk. Et le mushrik, celui qui donne des associés à Allah, qui invoque autre qu'Allah, qui adore autre qu'Allah, qui fait des sacrifices pour autre qu'Allah, il n'est pas agréé d'Allah, il ne pourra donc pas bénéficier de l'intercession. Et pour bénéficier de cette intercession, il ne faut la demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir foi en Allah, concrétiser cette foi par le tawhid et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vouant un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs été interrogé à ce sujet. Qui est le plus en droit de recevoir, de bénéficier de ton intercession? Il a dit, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement du fond de son cœur. Celui qui dit, il n'y a personne en droit d'être adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire, il n'y a personne en droit d'être invoqué en dehors d'Allah. Il n'y a personne en droit qu'on lui voue un sacrifice en dehors d'Allah. Il n'y a personne en droit qu'on lui voue un vœu en dehors d'Allah, et ainsi de suite parmi les formes d'adoration. L'adoration tout entière ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans le hadith au sujet de son intercession, « Elle atteindra, si Allah le veut, celui qui meurt sans avoir donné aucun associé à Allah. » Sans avoir donné aucun associé à Allah. Aucun, quel qu'il soit. Que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ange, un wali, un saint, une tombe, un mausolée ou autre. Celui qui meurt sans avoir donné aucun associé à Allah, alors il obtiendra l'intercession. On voit donc que l'intercession, qui va en profiter? Les gens du tawhid, parmi ceux qui commettent des péchés, qui ont eu des manquements dans la mise en pratique de cette religion. Mais ceux qui ont commis ce qui annule cette religion, ceux qui ont commis le shirk, qui ont invoqué autre qu'Allah, qui ont demandé l'intercession à autre qu'Allah, alors ceux-là, ils seront privés de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne une deuxième réponse à cette ambiguïté. Il dit « Wa aydan, fa inna shafa'ata u'tiyaha ghayru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Également, l'intercession a été accordée à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Fasahha an al-mala'ikata yashfa'un, wal-awliya yashfa'un, wal-afarata yashfa'un. » Il a été confirmé de manière authentique, c'est-à-dire dans différents hadiths, que les anges intercéderont, que les alliés d'Allah intercéderont, et que al-afarat intercéderont. Al-afarat, ce sont les enfants qui meurent en bas âge, qui intercéderont en faveur de leurs parents qui ont patienté suite à cette perte. Donc le cheikh, il nous dit, « Ataqul inna Allah a'tahum shafa'a, fa'atlubuha minhum. » Dis-tu donc, certes Allah leur a accordé l'intercession, donc je vais leur demander d'intercéder. Je vais leur demander l'intercession. فَإِنْ قُلْتَ هَذَا رَجَعْتَ إِلَى عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Il nous dit, si tu prétends cela, qu'il est permis de leur demander l'intercession, alors tu es revenu à l'adoration des vertueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de plus que ce qu'ont fait les premiers polythéistes, qui adoraient autre qu'Allah avec espoir d'obtenir l'intercession et de se rapprocher d'Allah, comme on l'a vu dans le verset. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, en dehors d'Allah, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Cela est venu clairement dans le livre d'Allah, que les premiers polythéistes, ils ne vouaient certaines adorations autres qu'Allah que par espoir de se rapprocher davantage d'Allah et d'obtenir l'intercession de ces divinités qu'ils adoraient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, il dit ensuite, « Wa in qulta la, et si tu dis que non, c'est-à-dire si le polythéiste dit non, je ne la demande pas aux anges, je ne la demande pas aux vertueux, et ainsi de suite, « Batula qawluk, a'tahu Allahu shafa'a wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. » Alors ta parole a été annulée. Sa prétention de dire que Allah a donné l'intercession au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne lui demande que de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Car il n'y a pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres personnes qui pourront intercéder au jour de la résurrection avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers cela que le shaykh a clairement réfuté et dissipé l'ambiguïté des polythéistes à ce sujet. Et on voit que l'intercession ne doit être demandée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse intercéder au jour de la résurrection est restreint à certaines conditions venues dans les textes, et parmi elles celles que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées, la permission d'intercéder et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui intercède et celui en faveur de qui on intercède. On a donc terminé concernant ces 6 premières ambiguïtés. On continuera la lecture des paroles de l'auteur rahimahullah ta'ala et la dissipation des ambiguïtés suivantes dans les prochains cours, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.